الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد continuons l'explication du livre لمعة الاعتقاد, un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, avec l'explication de Cheikh Salah Ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc la semaine dernière j'avais dit que je questionnerai certains d'entre vous car je vous avais demandé d'apprendre par cœur les parties du matn du livre que l'on a expliqué. Qui connaît? Non, pardon. Avant de choisir au hasard. Non. Pardon. Non. Vas-y, pardon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, al-Mahmoudou fi kulli lisan, al-Mahmoudou fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min ilmihi makan, wa la yashghuluhu sha'nun 'an sha'n. جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الساحبة والأولاد وتنزه عن الساحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد. بارك الله فيك, أحسنت. كي دوت كوني؟ نعم, تفضل. نعم, ولا يشغله شأن ولا يشغله شأن شأن عن شأن. نعم. وتنزه عن الصاحبة والأولاد. أحسنت. كي دوتر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو عن علمه مكان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزع عن الصاحبة والأولاد. نعم, أحسن, بارك الله فيك. طيب, donc la semaine dernière on avait expliqué la parole de l'auteur lorsqu'il a dit le louer en toute langue, l'adorer en tout lieu, celui dont aucun endroit n'échappe à sa science, les faits un agissement qu'il fait ne le préoccupe pas sur un autre, il est exempt de ressemblant et de semblant, et il est exempt d'épouse et d'enfant. Donc on avait expliqué chacune de ces paroles, Al-Mahmoud bi kulli lisan, Al-Ma'boud fi kulli zaman. Donc on va continuer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. يقول المؤلف كي الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله ونفذ حكمه في جميع العباد قال الشارح وهو الشيخ الفوزان حفظه الله نفذ حكمه أي قضاؤه وقدره والمراد بالحكم هنا الحكم القدري نافذ في جميع العبادات فلا في جميع العباد فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره المؤمن والكافر الحي والجماد جميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره لا أحد يستعصي على ذلك لا يمتنع أو يمتنع من ذلك فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى لا محيد لهم عنها. Donc l'auteur, l'imam al-Qudam al-Maqdisi dit « wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad » et son jugement est appliqué à l'ensemble ou sur l'ensemble de ses serviteurs. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit « son jugement est appliqué, son jugement c'est-à-dire le destin, ce qu'il a décrété et ce qu'il a destiné. Al-muradu bil-hukmi huna al-hukmu al-qadari. Et le sens du jugement ici, c'est la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa volonté universelle englobe ou est appliquée ou concerne l'ensemble des serviteurs. Personne ne peut échapper au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman comme le non-musulman, le vivant comme celui qui n'a pas de vie, et ni comme les choses qui n'ont pas d'âme. L'ensemble de ces créatures, subhanahu wa ta'ala, sont soumises à son jugement et à son destin, subhanahu wa ta'ala, et personne n'échappe à cela. Personne ne peut s'en passer, ou personne ne peut interdire le destin d'Allah sur lui. طيب قال الإمام ابن قدامة لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تمثله العقول بالتفكير لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير فإنه لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا وكذا أو يشبهه بكذا وكذا لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أيضا ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى يعني للسيرفو ne peuvent pas donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, même en réfléchissant. Et les cœurs ne peuvent pas soupçonner l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les cœurs ne peuvent pas soupçonner Allah subhanahu wa ta'ala par une image. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et qui voit tout لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير يعني les cerveaux ne peuvent pas donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent pas imaginer quelque chose de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala ni de lui donner une image car rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala rien n'est semblable à lui et rien ne lui ressemble et personne ne connaît l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf lui il est donc interdit à quiconque de donner ou de s'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il est comme ça ou comme ça ou de comparer Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'Allah est comparable à ceci ou à cela il est interdit de penser ainsi et cela est également impossible Il est impossible d'avoir une image d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de s'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala car, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا et ils n'ont pas de science sur lui. Ils n'ont pas de science sur lui. C'est-à-dire, les êtres humains, ces créatures, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas de science concernant Allah subhanahu wa ta'ala et de comment il est. هذه الآية Puis le Cheikh Al-Fawzan explique le verset هذه الآية ليس كمثله شيء فيها نفي للمماثلة عنه سبحانه وتعالى فلا أحد يماثله ولا أحد يشبهه ولا أحد يكافيه لأنه أعظم من كل شيء ليس كمثله شيء وهذا فيه استغراق للنفي لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي تعم فلا أحد يشبهه سبحانه وتعالى من جميع المخلوقات لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته فلا أحد يشبهه عز وجل من الخلق donc ce verset c'est à dire rien ne lui ressemble et celui qui entend tout et qui voit tout rien ne lui ressemble ici il y a la négation de la ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala rien n'est comparable à lui rien ne lui ressemble rien ne lui est semblable car il est plus grand que toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus immense que toute chose. Rien ne lui ressemble. Il y a dans cela une négation appuyée, car ce qui est nié est indéfini. Et quelque chose qui est nié en étant indéfini montre une négation appuyée. Quand tu dis « un tel n'a pas pris la voiture », Et quand tu dis « un tel n'a pas pris de voiture », un tel n'a pas pris la voiture. Ici, la voiture, elle est définie. Il n'a pas pris cette voiture, une voiture précise. Et lorsque tu dis, il n'a pas pris de voiture, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris de voiture, aucune voiture, quelle que soit la voiture. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé la même chose lorsqu'il a nié les choses qui lui ressemblent. Rien ne lui ressemble. Il n'y a aucune chose ne lui ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « Laysa kamithlihi ash-shay ». La chose ne lui ressemble pas. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé un indéfini. Il a dit « Aucune chose ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. » Et ceci pour montrer que rien, absolument rien, ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc personne ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala parmi l'ensemble de ses créatures, car Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus immense. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Il n'y a donc personne qui peut lui ressembler parmi ses créatures. Wa huwa as-sami'u al-basir, wasafa nafsahu bis-sam'i wal-basar, wa nafa 'an nafsihi al-mushabaha, fadalla 'ala anna ithbat as-sifati lillahi jalla wa 'ala la yaqtadi at-tashbih كما يقوله أهل الضلال فهو نفي عن نفس فهو نفى عن نفسه المشابهة وأثبت لنفسه السمع والبصر فدل على أنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهة. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, dit Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui et la vue, et il a nié la ressemblance, sa ressemblance à toute chose. Dans ceci, il y a une preuve que d'attester les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne signifie pas le faire ressembler à ses créatures. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de relation entre le fait d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs et le fait de le faire ressembler à ses créatures. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, rien ne lui ressemble, donc il nie toute ressemblance à quelconque créature, mais Allah azza wa jalla dans la seconde partie du verset dit, wa huwa as-sami' al-basir, et c'est lui qui entend tout, et c'est lui qui voit tout. Donc le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, ne veut pas dire que l'on le fait ressembler à ces créatures. Comme le disent beaucoup parmi les gens égarés qui nient tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala et disent il ne faut pas dire qu'Allah voit et qu'Allah entend, car si tu dis qu'Allah voit et qu'Allah entend, tu la fais ressembler à ses créatures, car ses créatures entendent et voient. Non, nous attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala la vue, nous attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala l'ouïe, mais nous ne disons pas que son ouïe et sa vue sont similaires ou ressemblent à l'ouïe et à la vue de ses créatures. Non, c'est une ouïe et une vue qui sont propres à lui subhanahu wa ta'ala, une vue parfaite, une ouïe parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout, Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il entend? Allahu a'lam. On ne doit pas demander le comment, on doit attester et attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a attribué à lui-même. وإن كانت أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين السمع والبصر والكلام والقدرة والوجه واليدان ولكن هذه خاصة بالمخلوقين وأما صفات الله جل وعلا فهي لائقة به لا تشبهها صفات المخلوقين وإن اتفقت في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماما ومتباينة. Puis Cheikh Fawzan continue son explication et dit, même si le nom de ces attributs sont présents chez les créatures comme l'ouïe, comme la vue, comme la parole, comme la capacité, comme le visage, comme les mains, mais tout ceci est propre aux créatures. Quant aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont propres à lui et ne ressemblent en aucun cas à ceux de ses créatures, même s'ils sont similaires dans le nom et dans le sens, sauf que dans la réalité et dans le comment, ils sont totalement différents et bien distincts. Donc, lorsque l'on attribue un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, le nom et le sens est le même que ceux des créatures. Lorsque l'on dit lui, on sait ce que lui veut dire. Le mot oui est le même et le sens de lui est la même. Le sens est entendre. Pareil pour la vue, le mot est le même, al-basar. Le sens est le même, c'est de voir. Pareil pour la parole. Pareil pour la capacité, le visage, les mains. Tout ceci est propre aux créatures. Yani, lorsque tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, Allah subhanahu wa ta'ala a attribué un visage à lui-même. Le mot wajh est le même. Lorsque l'on parle du visage d'un être humain ou du visage d'Allah, on utilise le même mot qui est al-wajh. Le sens, on le connaît. On sait ce que signifie un visage. Mais le comment? Est-ce que la tête d'un lézard est la même que la tête d'un chameau? Pourtant, le mot c'est le même. Le sens c'est le même. Est-ce que la tête d'une fourmi, c'est comme la tête d'une baleine? Non. Donc le fait de dire que la fourmi a une tête et que la baleine a une tête, est-ce que ça veut dire que la tête de la baleine est la même que la tête de la fourmi? Non. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et Allah subhanahu wa ta'ala est exalté plus que toutes ces créatures sur le fait de le faire ressembler à quiconque. D'accord? Donc lorsque l'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, c'est qu'il l'a attribué à lui-même. Et le fait que l'on dise qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage ne veut pas dire que le visage d'Allah azza wa jalla est le même que celui de ses créatures. Non. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. C'est clair ou pas? Al-kalamu fi asma'illahi wa sifatih. Donc l'imam ibn Qudam al-Maqdisi dit al-kalamu fi asma'illahi wa sifatih. La parole sur les noms d'Allah et ses attributs. Lahu al-asma'u al-husna wa sifatu al-ula ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil-qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Donc l'auteur, l'imam ibn Qudam al-Maqdisi dit: à Allah appartient les noms les plus beaux et les attributs les plus sublimes. Puis il a cité la parole d'Allah Azza wa Jalla dans surat Taha: Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa, le miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, à lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre, et tout ce qu'il y a entre eux, et tout ce qu'il y a en dessous de la terre. Et si tu prononces une parole à voix haute, Allah Azza wa Jalla connaît le secret et ce qu'il y a de plus caché encore. قال الشيخ الفوزان حفظه الله له الأسماء الحسنى هذا فيه إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه ولله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Donc à Allah appartient les noms les plus beaux. Il y a dans ceci le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms comme il les a attribués à lui-même dans Sourate Al-A'raf, le verset 180, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ولله الأسماء الحسنى. Et Allah les noms, à Allah appartient les noms les plus beaux. Et dans l'autre verset de Surat Taha, le verset 8, Allah, la ilaha illahu, le seul qui mérite d'être adoré, à lui les noms les plus beaux. فَأَخْبَرَ أَنَّ لَهُ الْأَسْمَى وَأَخْبَرَ أَنَّ كُلَّهَا حُسْنَى يَعْنِي تَامَّ كَامِلَةَ لَا يَعْتَرِيهَا نَقْصٌ. Donc Allah Azza wa Jalla a informé qu'il a des noms, et il a informé que ces noms sont tous beaux, c'est-à-dire beau, c'est-à-dire husna, c'est-à-dire complet, total, des noms qui ne comportent aucun défaut, des noms qui ne comportent aucun défaut. وَالصِّفَاتُ الْعُلَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى. Et Allah Azza wa Jal a également les attributs les plus sublimes. الْعُلَى أي الْعُلْيَى, les sublimes. وَالصِّفَاتُ كَالرَّحْمَةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ. هذا يقال لها صفات. هذه يقال لها الصفات. Et الصفات, c'est-à-dire les attributs, la Cheikh Al-Fawzan a donné des exemples, كَالرَّحْمَةِ, comme la miséricorde, comme la science, comme le pouvoir, comme la volonté, comme l'ouïe, comme la vue, tout ceci s'appelle des attributs. أما السميع البصير الخبير فهذه أسماء وكل اسم منها يشتق منه صفة لله جل وعلا فالقدير فيه إثبات القدرة والسميع فيه إثبات السمع والبصير فيه إثبات البصر والعليم فيه إثبات العلم والحكيم فيه إثبات الحكمة وهكذا كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. Quant à السميع البصير الخبير, ce sont des noms. Donc celui qui entend tout, celui qui voit tout et celui qui est connaisseur de toutes choses, ceux-ci sont des noms. Et de chaque nom est déduit un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on dit Al-Qadir, celui qui est capable de toutes choses, on en déduit quel attribut? Al-Qudra, la capacité. Was-Sami' fi ithbat as-Sam'. Et As-Sami' est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui entend tout. Et de ce nom en découle quel attribut? L'attribut de l'ouïe. Pareil pour celui qui voit tout. C'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Basir. Et de ce nom en découle la vue. Wal-Alim, le tout savant ou l'omniscient, en découle quel attribut? La science. Et Al-Hakim, le sage, le tout sage, en découle l'attribut de la sagesse. Et ainsi, pour tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nom parmi ces noms, eh bien, on en déduit un attribut parmi ces attributs subhanahu wa ta'ala. لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّتِي سَمَّى بِهَا نَفْسَهُ أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وله الصفات العليا العلية الرفيعة التي لا يشبهها شيء أو التي لا يشبهها شيء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a les noms les plus beaux, les noms qu'il s'est attribué lui-même ou que lui a attribué son prophète صلى الله عليه وسلم ou que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et implicitement, ou les noms que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Dans les hadiths authentiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également les attributs les plus sublimes, les plus hauts, les plus élevés, des attributs dont yani, que personne n'a, et des attributs qui est un Allah Azza wa Jal a et dans lequel personne ne lui ressemble. ثم يقول الشارح الشيخ الفوزان continue et dit هذه الآيات من أول سورة طه كما قال سبحانه وتعالى تنزيلا ممن خلق السماء ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Donc ensuite الشيخ الفوزان حفظه الله explique les versets que l'auteur a cités de Surah Taha, en citant un verset avant pour expliquer, et il dit, Hafidahullah, ces versets sont les versets du début de Surah Taha. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, Tanzilan mimman khalaqa al-arda wa samawati al-ula. Un livre qui a été révélé par celui qui a créé les cieux et les terres, la terre et les cieux sublimes. أي القرآن منزل من عند الله, c'est-à-dire que le Coran est descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. وهو كلامه, et le Coran c'est la parole d'Allah عز وجل. الرحمن على العرش استوى, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. هذه الآية هي إحدى الآيات السبع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهو علوه على العرش. Ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, le tout miséricordieux établi au-dessus de son trône, ce verset fait partie des sept versets dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue l'établissement au-dessus de son trône. Un établissement qui est réel et qui est comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, c'est-à-dire « uluhu ala al-arsh », c'est-à-dire qu'il est établi au-dessus de son trône. Allah azza wa jal est établi au-dessus de son trône. « Istawa ala al-arsh » yani فوق العرش. نعم. نعم. pas sûr. là c'est على c'est au dessus. نعم. au dessus. استوى على العرش أي فوق العرش. والعرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. et le trône est une des créatures parmi les créatures d'Allah سبحانه وتعالى. استوى أي استقر وعلى وارتفع سبحانه وتعالى عليه وعلى عليه واستقر عليه جل وعلا لكن كل هذه المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق أو علو المخلوق على المخلوق أو ارتفاع المخلوق على المخلوق. استوى لتتبلي استوى ستديخ لتتبلي et il est au-dessus, et qu'il est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. وَعَلَى عَلَيْهِ وَاسْتَقَرَ عَلَيْهِ. Il est au-dessus, et s'est établi au-dessus de son trône, mais tous ses sens sont propres à lui, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il s'établit, il ne s'établit pas comme une créature sur une créature, et il n'est pas au-dessus, comme on ne peut pas le comparer, comme une créature au-dessus d'une créature. المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء يرفعه لئلا يسقط أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى العرش ولا إلى السماوات بل العرش محتاج إليه والسماوات محتاجة إليه فهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى وهو الذي خلقها فهي بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليها. Donc les créatures, lorsqu'elles sont au-dessus de quelque chose, elles ont besoin de cette chose pour ne pas qu'elle tombe. Quand tu montes sur un escabeau, est-ce que tu as besoin de ton escabeau? D'accord? Tu es sur ton escabeau, mais tu as besoin de ton escabeau. Allah Azza wa Jal, non. Allah Azza wa Jal est établi sur son trône, mais n'a pas besoin de son trône, subhanahu wa ta'ala. Il n'a ni besoin ni de son trône, ni des cieux. Et c'est au contraire le trône et les cieux qui ont besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui les tient. C'est lui, Allah Azza wa Jalla, qui retient les cieux et le trône. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, en parlant des cieux, le sens du verset, c'est qu'Allah Azza wa Jalla retient les cieux pour ne pas qu'il tombe. D'accord? Quant à toi qui monte sur ton escabeau, qui retient l'autre? Est-ce que c'est toi qui retiens l'escabeau pour pas qu'il tombe? Non. Donc il ne faut pas comparer l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône à l'établissement d'une de ses créatures sur une créature qui est au-dessus d'une chose. Donc Allah azza wa jalla, c'est lui qui tient les cieux et son trône. Et Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui les a créés. Il n'a donc pas besoin de ses créatures, et ce sont plutôt ses créatures qui ont besoin de lui. فلا يشبه استواءه على العرش استواء المخلوق على المخلوق وإن كان المعنى واحدا لكن الكيفية والحقيقة مختلفة. Donc il ne faut pas faire ressembler l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône comme l'établissement d'une créature sur une créature, même si le sens est le même, même si le sens est unique, mais le comment et la réalité en est tout autre. الرحمن على العرش استوى هذا خبر منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مضطردة لهذا المعنى استوى على العرش. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. C'est une information d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les sept versets qui tous utilisent le même terme istawa ala al-Arsh. Il est établi au-dessus de son trône. Et ces versets sont le septième verset de Surat al-A'raf, le troisième verset de Surat Yunus, le deuxième verset de Surat al-Ra'd, le 59e verset de Surat al-Furqan, le 4e verset de Surat al-Sajda et le 57e verset de Surat al-Hadid et le 7e qui est le quel verset de Surat al-Taha? Le 5e verset de Surat al-Taha. En tous sept versets qui tous utilisent le même terme, ou Allah Azza wa Jalla utilise le même terme dans tous ces versets, Istawa ala al-Arsh. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات له ما في السماوات السبع من المخلوقين من الملائكة وغيرهم وما في الأرض من المخلوقات كلها كلها له من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى من آدميين وبهائم وجن وإنس وحيوانات وطيور وغير ذلك كل ما يدب على الأرض ويمشي على الأرض ويوجد على الأرض فإنه ملك لله سبحانه وتعالى يتصرف فيه ويدبره ويرزقه سبحانه وتعالى. يا الله عز وجل دي نصوات طه الرحمن على العرش استوى لهما في السماوات. Le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône, à lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans les sept cieux parmi les créatures comme les anges ou autres, et tout ce qu'il y a sur terre comme créatures, toutes les créatures sont, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, les êtres humains, les animaux, les djinns, les oiseaux, tout ce qui rampe sur terre, tout ce qui marche sur terre, tout ce qui existe sur terre, eh bien, appartient Allah subhanahu wa ta'ala qui le gère et qui le contrôle et qui lui donne la pourvoyance subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal contrôle toutes ces choses et leur donne et donne à chacune de ces choses sa pourvoyance. Comme l'a dit Allah azza wa jal, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas un animal sans qu'Allah azza wa jal ne lui donne sa pourvoyance. Donc il a tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre. وَمَا بَيْنَهُمَا مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ فَهِيَ مُلْكٌ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَمَا تَحْتَ أَدِيمِ الْأَرْضِ وَسَطْحِ الْأَرْضِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَمِنَ الْمَعَادِنِ وَمِنَ الْأَمْوَاتِ كُلُّهَا لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا هِيَ مُلْكُهُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَهَا. Et tout ce qu'il y a entre eux, c'est-à-dire entre les cieux et la terre, comme créatures que seul Allah Azza wa Jalla connaît, tout ceci fait partie de ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Wa ma tahta thara, est-ce qu'il y a sous la terre, sous la surface de la terre, comme créature ou comme métaux, yani ma'adin, tout ce qui est métaux, tout ce qui est trésor, également les morts qui sont sous la terre, tout ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui en a la possession et celui qui l'a créé. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يستوي في علمه الجهر والسر يسمع الجهر ويسمع السر وأخفى أي أخفى من السر لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. Il connaît, et si tu parles à voix haute, il connaît le secret même le plus caché. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal connaît ce qui s'entend. Il connaît également les secrets. Il entend les paroles qui peuvent être entendues, mais il entend également les secrets wa akhfa, et même les plus cachés, c'est-à-dire ce qui est plus caché que les secrets. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu. لا معبود بحق سواه له الأسماء الحسنى هذا إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى وأنها حسنى كلها حسنى تامة كاملة منزهة عن النقص والعيب الله لا إله إلا هو الله point de divinité autre que lui c'est-à-dire que rien ne doit être adoré sauf lui سبحانه وتعالى à lui les noms les plus beaux, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla s'attribue les noms les plus beaux, c'est-à-dire que tous ces noms sont beaux, husna, c'est-à-dire qu'ils sont complets, qu'ils sont exempts de tout défaut ou de toute diminution. Ahata, qala al-mu'allif Ibn Qudama al-Maqdisi, ahata bi kulli shay'in ilma wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma. Allah subhanahu wa ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma, a la science de toutes choses et toutes ses créatures sont soumises à lui par sa force et son jugement. Qahara yani ahata bi kulli shay'in ilma, ahata ilmuhu bi kulli shay'in mimma kana wa ma yakunu fi al-madi wa fi al-mustaqbal wa fi ma la ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala kullu shay'in bi ilmihi la yakunu shay'un illa bi ilmihi. Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera. Il connaît le passé. Il connaît le futur. Wa fi ma la ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Il sait également ce que seul lui connaît subhanahu wa ta'ala. Toutes choses passent par sa science et rien n'a lieu sans qu'Allah Azza wa Jal ne le sache. قهر كل مخلوق أي أخضعه لسلطانه أخضعه لسلطانه سبحانه وتعالى كل مخلوق لا يستثنى من هذا أي مخلوق من الأغنياء والفقراء والملوك والصعالك والملائكة والأنبياء والرسل وجميع المخلوقات كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى لا أحد يخرج عن ذلك. قهر كل مخلوق. Allah subhanahu wa ta'ala a قهر. Comment traduire قهر? قهر, c'est-à-dire que l'Azza wa Jalla a imposé ou a fait soumettre toutes ses créatures. C'est-à-dire que l'Azza wa Jalla a fait soumettre à son commandement et à sa puissance toutes ses créatures. Personne n'est exemple de cela. Quelle que soit sa créature, qu'il soit riche ou pauvre, que ce soit des rois ou sa'aliq, sa'aliq c'est le jam'a de su'luq, et su'luq c'est le mendiant. Qu'il soit un roi ou un mendiant, un ange ou un prophète ou un envoyé, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont soumises à lui et sont sous son contrôle subhanahu wa ta'ala et sous sa gérance subhanahu wa ta'ala et personne ne sort de cela. Fa fi hadha raddun 'ala alladhina yaz'umuna anna hunaka min al-awliya'i wal-aqtab man yatasarrafuna fi al-kawn kama yaquluhu al-malahidatu min as-sufiyyah. Il y a dans cela une réponse à ceux qui prétendent qu'il y a certains parmi les saints ou parmi des chefs spirituels qui peuvent contrôler ou qui peuvent gérer le monde comme le disent les athées parmi les soufis. عزة أي قوة وحكما أي كل شيء تحت حكمه أخضعه له سبحانه وتعالى يتصرف فيه ويدبره ولا يستعصي شيء عليه سبحانه وتعالى. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait soumettre toutes ces créatures par sa force et son jugement, par sa force et par son jugement, c'est-à-dire que toute chose est sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et toute chose est soumise à Allah Azza wa Jal, et Allah subhanahu wa ta'ala gère ces choses et les contrôle comme il le souhaite et comme il le désire. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.